l'eau. Mais on va regarder. La famille va venir. C'est pas dangereux de regarder les enfants qui sont dans la piscine. On va sortir, on va s'asseoir sur le banc, nous. Hein? Allez, viens. Je vais vous voir, ça va pas trop.